Are you blessed already? Est-ce que vous êtes déjà béni? Are you expecting something great to happen? Est-ce que vous attendez quelque chose de grand? Amen. Amen. Now, this camp we are having, donc ce camp qui is actually a congress. C'est un congrès. Yes. And we want to thank our father Bishop Dagwood Mills for gathering all of us here. Remercier notre père, l'évêque Dagwood Mills, de nous avoir rassemblés ici. You see, I just saw some people coming from there, which means they were very far away. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent toujours, ils sont en train d'arriver, ça veut dire qu'ils and étaient très loin. That is what we must not do. Et c'est ce qu'on ne doit pas faire. Amen. Amen. Now, there is a reason for this gathering. Il y a une raison pour cette réunion, ce rassemblement. All of us gathered here. Nous tous rassemblés ici are a part of a big family. Nous faisons partie d'une très grande famille. Lighthouse Chapel International. L'église internationale Le Phare. And I'm sure you know that our church is a mega church. Et je sais que vous savez que notre église est une méga église. God has blessed us with a big church which is found in many places. Dieu nous a bénis avec une église qui se trouve dans plusieurs endroits. Many places all over the world. Partout dans le monde. But a major blessing we have as a church. Mais une grande bénédiction que nous avons en tant qu'église is the blessing of having a very significant French family. C'est une bénédiction d'avoir une famille francophone très importante. Applaudissez pour Jésus. And up until this time, et jusqu'à présent, the French church has been mixed up together with the English church. L'église francophone a été mélangée avec l'église anglophone. But it is the wisdom of our father. Mais la sagesse de notre père. To now gather the French church together. De rassembler les églises francophones ensemble. As a very important segment of Lighthouse Chapel International. Comme une partie très importante de la famille Lighthouse. So from this congress, donc à partir de ce congrès, we have become one unit that is separate in a certain sense from the other English speaking units. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir de ce congrès, nous sommes séparés en quelque sorte de la famille entière Lighthouse. Yes. En oui. Quelque sorte. Oui. Oui. Pas tout à fait. And it's very important. C'est très important. You know, as the church has become very big, alors que l'église grandit et devient très grande, the tendency to even forget some of our churches exists. Et il est vraiment fort probable qu'on oublie certaines églises qui existent. But every single church is important. Mais toute église est importante. Yes. The church in Paris is as important as the church in Kindia or Brazzaville or Kinshasa. L'église à Paris est aussi importante que l'église à Kindia, Brazzaville ou à Kinshasa. All of us are important. Nous tous, nous sommes importants. So our father's wisdom is to bring us together as one French community or French church. Donc la sagesse de notre père, c'est de nous réunir en tant qu'une famille, une communauté francophone. Amen. Amen. And that is also going to go with another change. Et avec cela, il y aura encore des changements. And that is the change in the name that is given to the church. Donc il s'agit du nom qui sera donné à l'église. So the first thing you need to know is that now all of us here, the French churches, are one. We are one group of different groups in Lighthouse. Donc, il faut comprendre que nous faisons partie d'une groupe au sein de plusieurs groupes à Lighthouse. Nous sommes une famille. Yes, and each group has a name. Et chaque groupe aura son nom. You will know it later on. Et vous saurez, vous connaîtrez plus tard. But your group, you need to know the name of your group. Il faut connaître le nom de votre groupe. And so when you hear the name, donc quand vous allez entendre le nom, that is going to be the name we will give to each church. What's the name of, where are you from? Which church? Which country? Kara, Togo. Yes. So when we come to your church, there will be a signboard. Quand on viendra à l'église à Kara, au Togo, yes, il y aura un panneau. And there will be a name on the signboard. Et il y aura un nom sur ce panneau. Right now, what is the name on the signboard? Maintenant, at Kara? Quel est le nom qui est sur l'église? Lighthouse. Lighthouse okay. Chapel. So it will change. Ça va changer. Le nom va changer. Yes. And the name of the new French church we are going to have as part of the bigger Lighthouse is. Donc le nom. Attends. Le nom qu'on va donner. Oh là là. Le nom qu'on va donner. Have you forgotten what you said? Le nom qu'on va donner à la famille, donc le groupe francophone, est. Je vais dire ça une seule fois. C'est la mission Jésus qui guérit. Prions pour Jésus. Crier plus fort. Amen. So, you may be seated. Prenez place. Please say the name again. D'accord. C'est la mission Jésus qui guérit. Amen. So, when our Father comes here to speak to us this morning, donc quand notre Père viendra nous parler ce matin, he is not coming to speak to Belle Église. Il ne vient pas parler à la Belle Église. Or a francophone Lighthouse. Ou Lighthouse francophone. Or what other names we have? Église internationale Le Phare. L'Église internationale Le Phare. No. When he walks in here, he is coming to address a new part of Lighthouse Chapel International called Mission Jésus qui guérit. Donc quand il va entrer, il ne va pas parler à Lighthouse, il va parler à la mission Jésus qui guérit. And it is also very important for us to understand that the name Lighthouse Chapel International is still our name, but it's a general name that is given to all the groups, different groups of churches coming together. Donc il faut comprendre que le nom Lighthouse Chapel International, c'est le nom qui couvre toutes les différents groupes qui sont maintenant au sein de l'église. So each, la grande famille. Good. So each different group of churches. Donc chaque différent groupe d'église will have a different name. Aura un nom différent. Different, like we now we have the First Love Church. Par exemple, nous avons l'église du premier amour. Yes. Do you know it's a Lighthouse church? Est-ce que vous savez que c'est une église de Lighthouse? Do you know the pastor of the First Love Church? Est-ce que vous connaissez le pasteur de la? Do you know the bishop of the First Love Church? Premier amour. Yes. And do you know it's a Lighthouse church? Et vous savez que ça fait partie de l'église Lighthouse Chapel. It's the same thing. Donc c'est la même chose. When you go to a first love church, quand vous allez dans une église de premier amour, you don't call it a Lighthouse Chapel International. Vous ne dites pas que c'est Lighthouse Chapel International. You call it a first love church. Vous dites que c'est une église premier amour. So when we also come to your church, donc quand on vient dans vos églises, where's your church, please? Abidjan Apache. When we come to your church, quand on viendra à Abidjan, the name of your church will be Mission Jésus qui guérit. Clap your hands for Jesus. Acclamez Jésus. And as we go on, donc alors qu'on avance, you are going to know the different names of the different groups of churches. On va vous informer, on va vous donner les différents noms des différents groupes. And remember that the reason is very, very, very important. Et souvenez-vous que la raison derrière cela est très importante. To group us so that every single part will have the attention it deserves. C'est de nous rassembler pour que toute partie ait l'attention dont elle mérite. Now our church is over 2,000 branches. Pour le moment, nous dépassons 2,000 branches en tout. And when we are so many, donc quand on est aussi nombreux, it is very easy to overlook someone. Il est très facile de oublier quelqu'un. And a time comes when it is the one who is loudest, who is noticed. Donc le temps viendra où celui qui fait plus de bruit sera plus remarqué. But not everybody has a loud voice. Mais c'est pas tout le monde qui est aussi bruyant que les Abidjanais, par exemple. Do you get me? What did she say? You know, so I believe that now the French part of the Lighthouse group of churches. Je crois que la partie francophone des églises Lighthouse Chapel International has entered into a new season. Est entrée dans une nouvelle saison. A new season. Une nouvelle saison. You know, before this time, avant ce temps, it looked almost as if the English part of Lighthouse Chapel International was more Lighthouse than the French. On dirait que la partie anglophone était plus Lighthouse que les francophones. Like when you come to Accra, Kodesh is more Lighthouse than Libreville. Quand tu viens à Accra, par exemple, on dirait que Kodesh est Lighthouse, plus Lighthouse que Libreville. Libreville, Gabon. L'église de Libreville au Gabon. Yes. But right now, mais maintenant, nobody is more Lighthouse than anybody. Personne n'est plus Lighthouse que l'autre. You are first love and you are mission. Il y a first, premier amour et nous sommes mission. Applaudissez pour mission. And I believe that as time goes on, donc alors que nous avançons, as the structures develop, quand les structures vont prendre forme, everyone will have the opportunity and the privilege to receive a certain type of attention. Tout le monde aura cette possibilité et le privilège de recevoir une certain type now, une what, particulière d'attention. Oui. What does this mean? Qu'est-ce que ça veut dire? It means that those of us who are here for this congress, ça veut dire que nous qui sommes ici pour cette conférence, are really very privileged. Nous sommes très privilégiés. Very privileged. Très privilégiés. You were there when Mission Jésus qui guérit was born. Vous étiez là à la formation de la mission Jésus qui guérit. Yes. And much as we are all excited, et nous, bien que nous sommes tous excités et contents, and I am more excited than moi, you je are. Crois que je suis plus excité que vous tous. Because I really like the French church. Parce que moi j'aime beaucoup l'église francophone. Because your pastor is my special sister. Parce que votre pasteur est ma sœur bien-aimée. Yeah. So the practical meaning of this. Donc, ce que ça signifie de manière pratique, pratiquement, is that those of us who are here, c'est que nous qui sommes ici, must rise up. Nous devons nous lever. Yes. You see, now that you have received a certain recognition, maintenant vous avez reçu une certaine reconnaissance. It's important to rise up. Il est important pour nous de nous lever. And build the church. Bâtir l'église. Grow the church. Faire grandir l'église. And make the church even nicer than it was before. Et rendre l'église encore plus belle qu'elle n'était avant. We should not allow Bishop to regret taking the decision to bring us together to give us this very important name. Il est important pour nous de tout faire pour que l'évêque ne regrette pas de nous avoir rassemblés et nous donner cette reconnaissance et ce nom important. When he sees the way Mission Jessie Kigeri is going to become, when he sees it in 2 years' time, he'll be very happy in his heart. Dans deux ans, il faut que quand l'évêque voit la direction de l'église, la mission Jésus qui guérit, il faut qu'il soit très très content et très fier même. And it is now in our hands. Et maintenant, c'est entre nos mains. You know, when I say this, I remember, you know, those of us who are Africans. Quand je vois cela, ça me rappelle les Africains, nous les Africains. Some 60 years ago. Il y a 60 ans de cela. 50 years ago. 50 ans de cela. 40 years ago. 40 ans de cela. We had our independence. On a eu notre indépendance. You know, and a certain recognition was given us. Et on nous a donné une certaine reconnaissance. But over the years. Et au fur. Nothing much has changed. Rien n'a changé. Nothing much. Pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de changements. You know, and we must not bring that spirit here. Et nous ne devons pas amener cet esprit ici. Is it going to be the same? Est-ce que ça sera pareil? Is it going to be different? Est-ce que ça sera différent? Yes. And the reason, if it is going to be different, si cela sera différent, it will be different because you rose up to make it different. Il sera différent parce que vous vous êtes levé pour faire la différence. There is not much bishop can do. Il n'y a pas grand chose que l'évêque peut faire. He has blessed us with a very important denomination. Il nous a bénis avec une dénomination très importante. God has given him great wisdom to take the church through the seasons. Dieu lui a donné, lui a accordé une grande sagesse pour pouvoir faire avancer l'église pendant les différentes saisons. He's done what he has to do. Et il a fait ce qu'il devait faire. He's built churches il for us. Il a bâti des églises pour nous. Many churches. Beaucoup d'églises. And there are going to be even more churches et coming il y aura up. Encore beaucoup plus d'églises. Yeah. Many more. Beaucoup every plus. Every single church represented here will have a church building practically set up. Toutes les églises représentées ici auront une église, un bâtiment. Yes. Expect that to happen. Donc attendez-vous à recevoir I cela. Expect that to attendez-vous happen. Attendez-vous à cela. We are not going to be hiding in classrooms and under trees and on the canopy. Nous n'allons plus nous cacher dans les salles de classe, sous les arbres et dans les coins. We are going to be in very powerful church buildings. Nous serons dans des bâtiments imposants. And when the building has been put up for us, et quand on aura construit les églises pour nous, when les bâtiments, the cathedral has been put up for us, il y aura une cathédrale, quand vous aurez we votre cathédrale, have to rise up as shepherds and pastors nous devons nous lever to fill the churches. Bergers et pasteurs pour sauver les églises. To fill the churches. Pour remplir les églises. Yes. To fill the churches. Pour remplir les églises. So this is a new season. C'est une nouvelle saison. And it is a season that calls for everyone's involvement. Et c'est une saison qui demande l'implication de tout un chacun. If you are here for si this vous êtes ici pour cette conférence, it's important to know that you didn't come as a tourist. Il est important de savoir que vous n'êtes pas venu en tant que touriste. Today, aujourd'hui, and tomorrow, et demain, will be one of your most powerful days ever as a Christian. Seront les jours parmi les jours les plus merveilleux et puissants de votre vie. Yes. Our Father is going to speak into our hearts. Notre Père va parler, il va nous adresser la parole. He is going to set us on fire. Il va nous mettre en feu. He is going to energize us. Il va nous donner de l'énergie. So I am expecting that the branch that had 20 members will become 200 members. Donc j'attends à ce que la branche qui avait 20 membres aura 2000 membres. Yes. Let us believe God that the mission Jésus qui guérit is going to be the first group of Lighthouse churches to have thousands of members in every branch. Croyons à Dieu pour que l'église, la mission Jésus qui guérit fera partie des premières églises qui auront des milliers de membres et de milliers de branches. Oui. Oui. C'est possible. C'est possible. C'est possible. It is possible. N'est-ce pas? Applaudissez. So, please be seated. Everyone here. Tout le monde ici. I know some of us were not very, very active in our churches. Je sais qu'il y a certains qui n'étaient pas très, très, très actifs dans les églises. There are many people who just like names and titles. Il y a des gens qui aiment des noms et les titres. You like to be called shepherd. On aime être appelé chef. When you go to town quand and you are introducing yourself, you introduce, oh, I'm shepherd. This. Quand vous allez en ville et vous vous présentez, vous dites, je suis la bergère ou le berger X. Shepherd Yvette. Bergère Yvette. Shepherd Michel. Berger Michel. We are not going to just throw about names and titles. Nous n'allons pas seulement projeter et jeter les noms because partout. This new group we have ce nouvel groupe, ce nouveau groupe qu'on a formé is going to be a new group with a new anointing coming upon us. C'est un groupe avec une nouvelle onction sur lui. Amen. Amen. I mean, if we go and our churches are the same, nothing has changed, then there was no need to even, you know, do what we are doing. Si on part et les églises restent les mêmes, donc on aura perdu notre temps ici. And this congress is an extraordinary congress. Ce congrès est un congrès extraordinaire. Yes. And so applaudissez. Mm-hmm. That is why it's very important to open up your spirit. Donc il est très important d'ouvrir votre esprit. Because you are being prepared. Parce qu'on était en on est en train de vous préparer. Most of us who are shepherds in our branches, la plupart d'entre nous qui sommes des bergers, in a few years, will become pastors of branches. Dans quelques années, vous serez des pasteurs des branches. No, I'm not prophesying. Je ne prophétise pas. No, I'm stating a fact. C'est juste un fait que je dis. Your pastor. Votre pasteur a shepherd in Lighthouse. Était bergère à Lighthouse. I was a shepherd in j'étais Lighthouse. Berger à Lighthouse. I was in follow-up ministry. J'étais dans le ministère de la suivi. But after some time, mais après un certain temps, by the grace of God, par la grâce de Dieu, I became a pastor. Je suis devenu pasteur. That is why I also expect that you also become a pastor. C'est pourquoi je m'attends à ce que vous aussi vous deveniez pasteur. I mean, in 7 years' time, dans 7 ans, d'ici 7 ans, if you are still a shepherd in your branch, si vous êtes toujours berger dans votre branche, then a major tragedy has happened. Donc c'est une grande tragédie qui a eu lieu. So from this congress, donc à partir de ce congrès, as our father speaks into our alors life, que notre père va parler dans notre vie, we are going to receive what will cause us to grow. Nous allons recevoir ce qui va nous faire grandir. I said to grow. Pour grandir. So that the name pour a little nom, one shall become a thousand. Is that not so? Yes. Ah, le plus le petit deviendra un millier. I didn't forgotten that this was j'avais même oublié que c'était le thème de ce congrès. Yeah, because this is what we are doing here. C'est ce que nous faisons ici. You've not come from Guinea. Vous n'êtes pas venu depuis la Paris, Guinée ou de Paris. Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Gabon. Du Gabon. You've not come here. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici. To live the same. Pour quitter comme vous êtes venu. You must become un millier. Vous devez devenir a thousand. So I believe strongly. Donc je crois fortement that even right now, que même maintenant, I am speaking to pastors of thousands. Je parle aux pasteurs des milliers. Pastors of thousands. Les pasteurs des milliers. Clap your hands for Acclamez Jesus. Acclamez Jésus.